Yesterday, I explained four kinds of sambajanya, sataka sambajanya, the clear comprehension of what is of benefit, sabbaya sambajanya, the clear comprehension of what is suitable, gochara sambajanya, the clear comprehension of Yogi's domain, Asamoha Sambhajanya, the clear comprehension of non-delusion. Sambhajanya, la claire compréhension par l'attention. Hier, je vous ai parlé des quatre types de Sambhajanya, Sataka Sambhajanya, la claire compréhension de ce qui est bénéfique, Sapaya Sambhajanya, la claire compréhension de ce qui est approprié, Gochara Sambhajanya, la claire compréhension du domaine du yogi, et Asammoha Sambhajanya, la claire compréhension de la non-illusion. On nous demande donc, à nous yogis, de vivre dans notre domaine, de rester dans notre domaine. Notre domaine, ce sont les quatre établissements pour l'attention, les quatre satipatthana. Nous devons rester à la maison, ce qui veut dire que nous devons toujours nous efforcer d'être attentifs aux quatre satipatthana, kaya nupassana, vedana nupassana, citta nupassana et dhamma nupassana. Si nous sommes toujours à la maison, automatiquement et spontanément, asammoha sambhajanya va se manifester, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit pour cela. Nous verrons très clairement. L'attention est donc cruciale. Sans attention, il n'est pas possible de voir. Et si on voit quelque chose, ce n'est pas la véritable compréhension, ce n'est pas bhavana maya jnana. C'est donc pour cela qu'il faut s'efforcer de développer l'attention. Le roi Kosala, qui régnait sur le pays de Savati, avait l'habitude de poser beaucoup de questions au Bouddha. Il se rendait très souvent au monastère de Jetavana, qui avait été offert au Bouddha par un homme très riche du nom de Anathapindika. Le Bouddha avait passé 18 ans dans ce monastère. À Savati, il y avait deux monastères très réputés. Le premier, c'était donc celui qui avait été offert par Anathapindika, Jetavana Monastery, le monastère de Jetavana. Et le deuxième, c'était Puparama, le monastère de Puparama, qui avait été offert au Bouddha par Visakha, une dame qui était très riche également. Tous les deux, Anathapindika et Visakha, étaient très dévoués au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Visakha avait atteint le fruit du Sotapanna à l'âge de 7 ans. Cette personne avait les paramis et il lui suffit d'écouter un enseignement du Bouddha pour atteindre ce stade. Le roi Kosala se rendit donc un jour au monastère de Jetavana pour poser une question au Bouddha. Il demanda au Bouddha, « Seigneur, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer très brièvement le Dhamma ?» Un Dhamma qui est bénéfique dans cette vie même et dans les vies futures. Le roi Kosala ne voulait entendre qu'un seul mot. Et le Bouddha lui répondit « Appamada ». Appamada, c'est tout simplement ce que les yogis qui sont ici s'efforcent de faire, c'est l'attention. Le Bouddha a donné beaucoup d'enseignements, mais en résumé, on peut dire qu'il n'y a que Appamada, l'attention. Le Bouddha illustra cela par l'exemple suivant. Il expliqua que tous les animaux ont des empreintes, mais il est cependant possible de reconnaître immédiatement l'empreinte de l'éléphant. Le Bouddha donna donc beaucoup d'enseignements et tout cela se résume à Appamada. Lorsque on pratique Appamada, autrement dit lorsqu'on s'efforce d'être attentif, cela revient à pratiquer tous les enseignements du Bouddha. C'est le seul enseignement qui va amener des bénéfices dans la vie présente et dans la vie future. Voyons par nous-mêmes si cela est vrai. Nous essayons de développer notre attention. Nous pouvons constater que lorsque nous réussissons à être attentifs, nous sommes en paix. Nous ne faisons aucun mal à autrui, nous comprenons facilement les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Nous vivons ainsi paisiblement, grâce à l'attention. C'est le bénéfice dans cette vie même. Pour ce qui est des vies futures, le fait d'être attentif va nous permettre d'échapper à une renaissance dans les mondes inférieurs, dans les apayas. Nous devons comprendre que nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes dans les conditions pour pratiquer Vipassana et les quatre établissements de l'attention. Rares sont ceux qui sont intéressés par la pratique de Vipassana. Et rares sont ceux qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir la pratiquer. Comme vous le savez, c'est très difficile de pratiquer la méditation Vipassana. Il faut contrôler les 6 portes sensorielles. Tout ceci est très facile en théorie, mais la mise en application des instructions est très difficile. Les instructions nous demandent de noter entendre lorsqu'on entend un son, voir lorsqu'on voit quelque chose, sentir lorsqu'on sent une odeur, goûter lorsqu'on expérimente une saveur, toucher lorsqu'on a un contact physique et penser lorsqu'on pense. En théorie, ceci est très facile, mais la mise en application de ces instructions est très difficile. Il faut réussir à contrôler les portes sensorielles de façon à ce que ni loba ni dosa ne pénètrent dans l'esprit. Mais même si c'est très difficile, cette pratique est très bénéfique. Hier, je vous ai expliqué comment il est possible d'expérimenter le véritable bonheur, Nibbana, par la pratique. Donc, même s'il est très difficile de contrôler les 6 portes sensorielles, les yogis qui se trouvent ici acceptent de fournir l'effort, et c'est pour cette raison qu'ils doivent considérer qu'ils ont beaucoup de chance. Les instructions sont faciles, la pratique est très difficile. Elle est difficile parce que nous travaillons sur l'esprit. Nous devons essayer de stabiliser notre esprit. Un esprit qui n'est pas stable ne voit pas la réalité. Si l'esprit vacille, s'il est éparpillé, il n'est pas possible de comprendre ni anicca, ni dukkha, ni anatta, autrement dit, la véritable nature du Dhamma. Le Bouddha nous dit, le Dhamma que j'ai expérimenté par ma pratique est très profond. Plus nous développons notre attention, plus nous comprenons ces paroles du Bouddha. Donc si nous avons les paramis développés, si nos vertus sont mûres, il est possible pour nous de réaliser la véritable nature du Dhamma dans cette vie même. Il est possible d'atteindre l'illumination dans cette vie même. Mais même si nous n'avons pas réussi à le faire, nous ne devons pas penser que nous avons perdu notre temps, car nous aurons développé les paramis, les vertus, et la pratique des paramis est une noble pratique qui va permettre de comprendre le Dhamma très clairement dans le futur. Nous devons donc développer notre attention. Comment développe-t-on l'attention? En notant sans interruption les objets qui se manifestent à chaque instant dans son corps et dans son esprit. On note le soulèvement de l'abdomen, l'abaissement de l'abdomen, la posture assise, le toucher. On note voir, entendre, etc. On est conscient sans interruption. Il faut donc être attentif de façon continue, sans permettre aux pensées de pénétrer dans l'esprit. Il faut atteindre ce que l'on appelle la continuité de l'attention, une attention ininterrompue. Si nous avons la continuité de l'attention, il deviendra possible pour nous de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est la claire compréhension. Lorsque vous disposerez de la force de l'attention ininterrompue, il deviendra pour vous possible de comprendre en profondeur. Ce n'est pas une compréhension superficielle, c'est une compréhension qui est complète, très claire et pénétrante. Il n'y aura plus de confusion en vous. C'est comme si vous regardiez un objet de très près. Si vous aimez beaucoup quelque chose, vous allez le regarder longtemps et de façon pénétrante. Vous avez payé de l'argent pour obtenir cet objet, vous l'aimez et vous êtes donc très intéressé. C'est la même chose en méditation. Lorsque Chanda, l'intention, est très développée, le yogi est très soucieux de tout noter. C'est Sampajanya. Il comprend clairement, il observe très attentivement. Les instructions du Bouddha sont les suivantes. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'avant, lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière, le yogi applique la claire compréhension. Au début, le yogi n'est pas très attentif parce qu'il n'a pas encore intégré les instructions, c'est le début, et son attention n'est pas encore développée. Mais petit à petit, son attention va se développer et il deviendra capable de suivre chaque pas très attentivement. Il fait une note à chaque pas. Il passe ensuite à la deuxième méthode, ralentit son allure, observe de façon plus détaillée, fournit plus d'énergie, maintient son attention plus longtemps. Il passe ensuite à la troisième méthode, et là, il observe de façon très précise chaque partie du mouvement. Le yogi est alors en mesure de voir que le mouvement est fait d'une succession de petits mouvements. Il voit que le mouvement se produit par étapes successives. Il comprend clairement lorsqu'il pratique la marche. Le Bouddha nous dit également, lorsqu'il porte le regard devant lui, lorsqu'il porte son regard vers le côté, le yogi le fait avec attention. Quelqu'un qui regarderait devant lui ou vers le côté sans attention ne peut pas être appelé un yogi. Un yogi doit noter, voir, voir ou regarder, regarder au moment où il voit quelque chose, au moment où il regarde quelque chose. Il mérite alors d'être appelé un yogi. Lorsque le yogi porte attentivement son regard devant lui ou vers le côté, il est très gracieux parce qu'il est très attentif. Il regarde avec la claire compréhension. Regarder avec la claire compréhension veut donc dire noter, regarder, regarder lorsqu'on regarde. Au début, c'est très difficile d'y arriver. Mais si on prend l'habitude de noter, regarder, regarder au moment où nous devons regarder quelque chose, nous allons petit à petit expérimenter certaines choses. Nous verrons qu'au moment où nous regardons, le désir, ni le désir, ni la colère ou l'aversion ne pénètrent dans l'esprit. Le désir ou l'attachement peuvent surgir très facilement dans l'esprit lorsqu'on regarde quelque chose d'agréable. C'est la nature de l'être ordinaire. Si c'est un objet désagréable que nous voyons, c'est l'aversion, la colère, qui va tout naturellement se manifester dans l'esprit. Tout ceci est très naturel. Mais lorsqu'on pratique Vipassana, il faut s'entraîner à noter, voir, voir au moment où on voit quelque chose. Dès que l'attention se sera renforcée, cette sensation visuelle ne va pas provoquer l'apparition ni de ni du désir, ni de la colère, mais elle restera très neutre. Elle ne sera ni, ce sera ni la colère, ni l'aversion, ni le désir. Tout simplement parce que l'esprit qui note est devenu puissant, il est capable de noter clairement, voir au moment où il voit, et l'esprit reste neutre. Ceci suffit donc pour la recommandation du Bouddha qui demande d'être attentif au moment où on regarde, que ce soit devant soi, vers le côté. Il faut toujours le faire avec la claire compréhension. Nous avons des bras, des jambes, un corps. De temps à autre, nous éprouverons donc le besoin de nous étirer, de nous pencher. Tout cela doit être fait avec attention. Il ne suffit pas de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Tous les mouvements corporels doivent être notés, comme se lever, s'asseoir, se détendre. Le Bouddha nous dit que lorsqu'il s'étire, lorsqu'il se penche, lorsqu'il s'assied, lorsqu'il se détend, le yogi le fait avec la claire compréhension. Donc, dès que nous sommes amenés à devoir bouger, nous devons le faire avec l'attention. Nous devons noter, se pencher, s'étendre, s'étirer. De cette façon, nous pourrons comprendre clairement. Les moines sont autorisés à porter trois robes, la robe d'au-dessus et les robes d'en dessous. Lorsqu'ils s'en revêtent, ils doivent le faire avec attention. Lorsqu'ils portent ou manipulent leur bol à aumône, ils doivent également le faire avec attention. Pour les laïcs, ces instructions consistent à être attentifs lorsqu'ils s'habillent ou qu'ils arrangent les vêtements sur eux. Nous ne devons pas penser qu'il est inutile d'être attentif lorsqu'on met ses vêtements ou qu'on met ses chaussures. Tout cela doit être fait avec attention. Si on pratique l'attention au moment où on se revêt donc de ses vêtements ou qu'on met ses chaussures, il est possible qu'une sorte de compréhension se manifeste en nous. Lorsque nous buvons, lorsque nous mangeons, nous devons également le faire avec la claire compréhension. Ceci veut dire que nous devons être attentifs lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, que ce soit de l'eau, du café, des jus, du thé. Tout cela doit être fait avec attention. Nous pouvons également observer tous ces mouvements en détail, de façon plus précise. À table, par exemple, lorsqu'on voit la nourriture sur la table, on note alors voir, voir. Lorsqu'on prend la nourriture, on note prendre, prendre. Lorsqu'on arrange la nourriture sur l'assiette, arranger, arranger. Lorsqu'on porte la nourriture à la bouche, porter, porter. Lorsqu'on ouvre la bouche, ouvrir, ouvrir. Déposer, déposer, mâcher, mâcher, avaler, avaler. Tous ces mouvements peuvent être décomposés de façon très détaillée. Le yogi doit alors se comporter très lentement et avec attention. On appelle cela l'attention détaillée. Si vous appliquez ces dernières instructions et que vous observez attentivement tous les détails au moment où vous mangez, vous expérimenterez certainement certaines choses. Vous verrez que le fait de manger est un processus très long et très compliqué. Et vous expérimenterez quelque chose au moment où vous observez ainsi de façon très détaillée. Il y a une autre pratique qui consiste à voir la nourriture sous son aspect repoussant. D'habitude, c'est quelque chose qui ne nous vient pas naturellement à l'esprit. Mais si nous sommes très attentifs au moment où nous prenons notre repas, nous pourrons observer qu'en fait, tous ces aliments se mélangent dans la bouche avec la salive et tout ça n'est pas très attirant, c'est même plutôt repoussant. Nous expérimenterons alors spontanément le fait que le corps est dukkha. Cette expérience va provoquer l'apparition d'un sens de l'urgence en nous. Nous aurons envie d'atteindre la libération. Nous comprenons alors clairement le Dhamma, nous comprenons les quatre éléments, nous expérimentons l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. Il est possible également de comprendre les cinq khandhas. Après avoir mangé, il faudra forcément satisfaire des besoins naturels. Ici aussi, il faudra le faire avec la claire compréhension. Nous réaliserons alors la véritable nature du Dhamma, là aussi. Il ne faut pas penser qu'il est inutile d'être attentif lorsqu'on utilise la salle de bain. Que nous soyons en train de marcher, de dormir, de nous tenir debout, d'être assis, au moment où nous nous réveillons, lorsque nous nous tenons silencieux, Nous devons faire tout cela avec la claire compréhension. Si nous appliquons les instructions du Bouddha de façon précise, nous pourrons voir que nous n'avons pas une minute de repos. Le Bouddha nous demande de garder le silence, de maintenir notre regard dirigé vers le bas. Ne pensez donc pas qu'après 1 heure de méditation en posture assise, vous pouvez vous reposer. Ne pensez pas que vous pouvez aller vous allonger sur votre lit et écouter éventuellement votre GSM. Les messages que vous êtes susceptibles de recevoir sur le GSM sont un grand ennemi pour le méditant, car cela va agiter l'esprit. Lorsque vous êtes allongé, avant de dormir, vous notez dormir, dormir. Ne notez pas nécessairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ne notez pas la posture allongée, le toucher. Vous notez simplement dormir, dormir, puisque votre intention est de vous endormir. Il ne vous faudra pas 5 minutes pour vous endormir. Lorsque vous vous réveillez, vous devez également appliquer la claire compréhension. Dès le réveil, essayez d'être attentif et notez se réveiller, se réveiller. Ceci est très difficile, mais si on s'entraîne, finalement, on réussit à voir le moment où on se réveille. Ceci est dû à la force de l'attention qui est devenue ininterrompue. Lorsque vous vous tenez silencieux, vous devez également en être conscient et noter. Comment note-t-on alors? On note tout simplement silencieux, silencieux, et on observe le corps. Tout ceci fait donc partie de la méditation dans les activités quotidiennes qu'on appelle parfois l'attention générale. Si nous pensons à l'enseignement du Bouddha, nous pouvons voir qu'en fait, il n'est vraiment pas facile à appliquer, à moins que notre chanda, notre intention, notre volonté et notre effort soient devenus puissants. Mais les yogis font de leur mieux pour développer l'attention. Ils se comportent petit à petit de façon respectueuse, ils emmènent leur attention partout avec eux pendant toute la journée. Ils respectent ainsi leur pratique. Leurs mouvements sont devenus lents, gracieux, élégants, parce qu'ils sont toujours attentifs dans quelque activité que ce soit. Ils font tout avec attention. Il devient alors possible pour eux de comprendre clairement. La confiance va se développer et ils vont tout doucement avoir foi dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Un yogi qui respecte sa pratique voit la nature du Dhamma. Quand il expérimente la nature du Dhamma, il voit automatiquement et par voie de conséquence le Bouddha. Il y a l'histoire de Wokali, une personne qui s'était fait moine, non pas pour pratiquer, mais pour avoir la possibilité de contempler la personne du Bouddha. Le Bouddha était en effet une personne très élégante, il était très beau physiquement, et donc ce Wokali souhaitait pouvoir le contempler constamment. Et c'est pour cette raison qu'il s'était fait moine. Le Bouddha lui dit un jour, « Wokali, pourquoi regardes-tu ce corps qui n'est que pourriture, qui n'est que changement? Celui qui ne voit pas le Dhamma ne me voit pas. Celui qui voit la nature du Dhamma me voit. » Donc, dès que nous aurons expérimenté la nature du Dhamma, nous verrons automatiquement et par voie de conséquence l'auteur du Dhamma, c'est-à-dire le Bouddha. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.